Pardonnez-moi. Merci. Comme je vous ai promis, en effet, sur cette première partie de l'enseignement aujourd'hui, il est question que je puisse vous entraîner déjà dans la notion de la relation père-mère. Pardonnez-moi un peu du bruitage. Je suis dans un terrain de golf. La petite forêt ou la petite brousse où je me trouve est plus ou moins à quelques mètres du terrain de golf. Et cette technique, il est recommandé de la faire normalement en pleine nature. Il faut le faire carrément dans le bois, dans la forêt pour de meilleurs bénéfices. Et comme je vous ai dit, nous avons besoin de trois éléments. Il y a l'élément végétal, l'élément, je voulais dire, le règne végétal, voilà, c'est la forêt. Et le règne humain, c'est moi-même. Et le règne divin, ce sera l'intervention de la force cosmique à travers les mouvements que je vais vous montrer. Je pars, la raison pour laquelle je suis obligé d'avoir mon téléphone, parce que mon fils qui a l'habitude de faire le shooting avec moi dans la forêt, malheureusement, il a travaillé toute la nuit, donc il n'est pas disponible. Alors, je vais donc ici tenter de vous montrer la première technique. La première technique est une technique d'harmonisation. Comment créer donc la relation père-mère? Vous avez sûrement entendu dans les traditions anciennes, on vous a toujours parlé de ce qu'on appelle Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais pour votre information, cette notion de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est simplement une modification des anciens écrits égyptiens. Dans nos manuscrits de l'Égypte antique, justement, il y avait la notion du père, mère et fils. Donc, la relation père, mère, fils, ça veut dire quoi? C'est qu'il faut nécessairement une mère et il faut un père pour que vous veniez à l'existence. Donc la philosophie qui se cachait derrière, quand je parle de philosophie, c'est-à-dire que le discours qui se cachait derrière ces enseignements-là, père, mère, ensuite fils, voulait dire quoi en réalité? Donc voilà pourquoi aujourd'hui, sur la première partie, je vais vous amener tout droit dans cette notion, la notion de père-mère. Et vous en tant que fils. Mais l'expression fils s'applique également ici aux femmes, hein, rassurez-vous. Parce que dans les initiations anciennes, on ne tenait pas compte, on ne parlait pas trop de femmes. Parce que quand on parlait d'hommes dans l'ancien temps, on parlait beaucoup plus homme avec grand H. Donc dans ce grand H, il y a la femme et il y a l'homme. Donc une fois de plus, veuillez me pardonner. Si je pars. Je ne vous ai pas salué. Donc, merci pour ceux qui sont rentrés pour venir me suivre ici sur Tatanzambe. Je vais justement vous montrer d'abord la première série des techniques de la relation qui suit par les trois règnes. Mais la relation par les trois règnes, c'est, comme je disais, mon fils n'est pas disponible, il est en train de dormir, il est fatigué, il a travaillé de nuit, c'est l'Amérique, et il va à l'école dans l'après-midi et tout ça. Donc, du coup, il n'a pas pu avoir un temps disponible. Mais je vais le faire à partir de mon petit téléphone. J'espère que vous pouvez me suivre et confirmer si vous me suivez très bien. Donc soyez tous salués. Bonjour. Ça va pas prendre du temps. Donc je vais vous faire la petite démonstration. Pardonnez-moi, comme je suis dans un quartier, dans une zone très dangereuse, souvent des jeunes qui viennent fumer leur chanvre ici. Voilà pourquoi j'ai amené mon arme. Je ne vais pas vous la montrer. C'est avec moi dans la poche, donc pour une meilleure. Je ne veux pas que l'arme explose. Je ne veux pas que l'arme explose dans ma poche pour me tirer sur le pied pendant que je fais les exercices. Bien. Donc, je suis ici. Je suis là. Vous me voyez bien. Je suis le fils. Donc, je joue le rôle du fils. Et je veux vous faire découvrir où se trouve la mère. Également, où se trouve le père. Maintenant, quand je ferai cet exercice, je ne vais pas trop parler. Je vous donne des grandes lignes d'introduction. Le but de cet exercice-là, vous pouvez le faire chez vous désormais, chaque jour. Mais le cadre choisi, vous devez être à côté d'un arbre. Voilà l'arbre. Voilà un arbre qui est là. Okay? Il y a une raison fondamentale pour cela. Il y a une raison pour laquelle je... C'est pas moi. Que les ancêtres, souvent, faisaient ce genre de technique à côté d'un arbre. Et bien sûr, ils s'assuraient que tout autour, il y avait des arbres. Donc, je vous ai déjà montré. Faut-il que je refasse un tour? Regardez bien. Il y a la verdure. Vous voyez bien? Il y a la verdure. Hein? Ça, c'est le règne végétal. D'accord? Voilà le règne végétal. Donc, tout ceci, vous voyez bien que ce sont les arbres. Voilà. Tout autour, il y a des arbres. Ici, de temps en temps, on vient faire des cérémonies. Hein. C'est ici, je vais vous faire un petit tour là. C'est ici d'ailleurs que, habituellement, je viens faire mes cérémonies mystico-spirituelles avec mes amis indiens et quelques Américains. Donc, vous voyez, le terrain est bien travaillé là. C'est très bien nettoyé. C'est juste vous amener à vous introduire. Vous voyez, c'est bien travaillé ici. C'est très bien travaillé. Ça, c'est un passage des esprits. C'est ici où je fais certaines cérémonies, des pratiques de magie indienne. Je vais dire amérindienne, quoi. Hein, les indiens américains, ceux qui sont nés ici. Donc, c'est souvent ici où je viens faire certaines pratiques. Alors, donc, voilà l'arbre. Il n'est peut-être pas trop grand, mais c'est celui-là. C'est autour de cet arbre que tout le travail va se passer. Alors, maintenant, revenons à la technique. Je ne vais pas vous maintenir longtemps. Bien, je suis le fils. Où est la mère? Dans les traditions antiques, anciennes, et même au Tibet, on vous apprendra que, et si vous rentrez même dans la pratique du yoga, voilà pourquoi la plupart des temps, quand on fait la pratique du yoga, on le fait à même le sol, sur une nappe généralement qui est faite en liane, et on est assis à même le sol, souvent. Pourquoi? Mais parce que dans nos traditions, que ce soit les traditions orientales, occidentales, quand je parle occidental, je fais allusion au druidisme, où j'ai été également initié par Pierre Manouri. Le druidisme, c'est la pratique magique, initiatique des blancs que vous voyez là. C'est beaucoup pratiqué au nord de l'Europe. Les Irlandais et les Anglais, ce sont ceux qui sont détenteurs de ces pouvoirs-là. Et si vous partez également vers la Norvège et la Suède, ils pratiquent très bien ces choses-là. Mais ça avait commencé au nord de l'Europe. Donc, dans la pratique druidique également, ils ont une technique. Souvenez-vous, je vous ai toujours parlé de la technique de comment se remplir de l'énergie tellurique. Et qu'est-ce que c'est l'énergie tellurique? Mais ce sont beaucoup plus les druidistes ou les druides dans la pratique druidique qui maîtrisent ça très bien. Donc au cours des formations que j'ai eues auprès de M. Manouri, qui vit encore, il est en France, il a écrit beaucoup de livres, il s'appelle Pierre Manouri. Donc au cours des formations et des initiations que j'ai eues auprès de lui, j'ai eu le bénéfice d'avoir à maîtriser la technique que je montrerai au cours des séminaires. Quand j'étais au Gabon, je montrais à pas mal de personnes en privé. C'est une technique également préventive contre les maladies et qui vous permet également de vivre aussi longtemps que possible. Parce que cette énergie tellurique, mais elle sort d'où? Elle sort de la terre. Parce que dans la terre, on enterre les gens. Dans la terre, il y a les ossements, il y a les morts, il y a la pourriture des poissons, les ossements des poissons, des humains, des dinosaures, tout ce que vous voulez. Il y a l'or, les diamants et tout cela. Voyez-vous? Sans oublier le pétrole, l'or noir. Alors, c'est ça justement l'énergie tellurique. L'énergie tellurique, c'est justement l'ensemble de toutes les forces. Il y a une énergie qui se dégage de toutes... De tous ces éléments-là qui sont en sous-sol. Maintenant, dans le druidisme, on vous apprend comment réceptionner cette énergie. Mais aujourd'hui, à travers la technique que je vais vous montrer, la technique de Père-Mère, vous n'aurez pas besoin de faire la technique druidique de téléchargement. Comment vous téléchargez de l'énergie tellurique? Parce que cela recommande, il faut avoir le fer, il faut avoir deux morceaux de fer, il faut avoir des fils, il faut mettre la tête à une certaine position, orientée vers un point cardinal quelconque, quand j'ai reçu mon initiation. Et je vous dis que vous allez le recevoir de manière brutale. Heureusement que j'étais sous le contrôle du monsieur dont je vous parle. Et si vous le faites tout seul, vous allez avoir des problèmes. Mais je peux vous demander de faire cette technique de remplissage de l'énergie tellurique. Parce que cet exercice que je vais vous montrer, des techniques d'harmonisation Père-Mère, va également vous permettre de bénéficier de cette énergie tellurique. Alors, nous allons laisser l'action à la place de la parole. Vous allez me suivre. Bien. Je suis le fils. Si vous êtes une femme, considérez-vous également comme le fils. Mais la question fondamentale, où est la mère? Qui est la mère? Voici la mère. La mère, c'est celle-là. C'est la terre. C'est cette mère nature qui va vous recevoir lorsque vous quitterez cette terre. Lorsque vous allez mourir, vous allez retourner nu dans le ventre de la mère. C'est la mère nature. Mais cette mère nature, elle vous a tout donné. Elle vous a donné les richesses. Elle vous a donné les enfants. Elle vous a donné la nourriture. Elle vous a donné les diamants, l'or, tout. Le pouvoir, ça vient de la mère terre. Alors maintenant, malgré l'orgueil, le ngunda-ngunda qu'on fait, on retourne où? On retourne vers la terre. Donc, cet exercice que je vais vous montrer, c'est un exercice de reconnaissance, de reconnexion et de vous remplir de l'énergie de la mère. Donc, vous avez la réponse. La mère, c'est la terre. Donc, partout où vous êtes, vous ne faites pas cette technique sur l'eau. Vous la faites uniquement sur terre. Ça, c'est la première information. Donc, votre mère, ce n'est pas Maman Sabunga, ma mère, qui m'écoute, hein, elle est là à mes côtés. Maman Sabunga, elle a contribué au transfert de mon âme dans ce corps physique qui vous parle. Madame Sabunga m'a fait sortir de son ventre nu, n'est-ce pas? Chacun de vous, vos mamans, vous êtes nés, vous êtes sortis nu du ventre de votre mère. Et nu également, vous retournerez dans le ventre de la mère nature, c'est-à-dire la planète Terre. Alors, vous allez suivre, vous allez comprendre le sens de l'exercice que je vais faire. Mais où est le Père? Le Père est où? Là, on a découvert la mère. Mais où est le Père? Je suis en train de vous amener en Égypte, dans l'Égypte antique. Comment, en fait, ils comprenaient le phénomène de la fameuse Trinité? La fameuse Trinité n'avait rien à voir avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Rien, pas du tout. La fameuse Trinité avait quelque chose à voir entre le Père, que je vous allais découvrir, et la Mère Nature, et vous, vous êtes le Fils. Voilà le sens profond, mystico-spirituel. Alors allons-y découvrir le Père. Le Père est où? Parce que voici la Mère. La Mère, c'est cette Mère Nature. La Mère, c'est la Terre. La Mère, ce sont ces arbres. Mais le Père est où? Le Père, c'est justement, on l'appelle le Père Céleste. Le Père, c'est celui que les religieux appellent Dieu. Mais en réalité, le Père, c'est l'âme universelle. Les génies, les ancêtres, tout ce qui vit au-delà de la matière, ça, c'est ce qu'on appelle la mère. Et plutôt le Père, autant pour moi. Donc, le Père, mettez-vous dans la tête quand nous allons faire cet exercice, que le Père en question, c'est, vous allez appeler ce Père le Père Céleste. Et la mère va s'appeler la Mère Nature. Voilà comment donc se fait l'exercice. Je vais faire l'exercice et ensuite vous allez répéter, je vais expliquer par les paroles. Donc, vos pieds sont séparés de quelques, je dirais un pied, donc à peu près entre 12 et 15 cm. D'accord? Pour ceux qui font les arts martiaux, on appelle ça Vous êtes en position sans coquillon. D'accord? Donc, le corps est bien droit. Et ensuite, les pieds bien au sol, c'est recommandé même d'être nu-pied. Bon, mais là, j'ai les sandales. Rassurez-vous, ces sandales sont faites en végétal. Donc, c'est fait à base de peau d'arbre. Donc, ce qui fait que je consomme mieux. N'amenez pas des Nike, s'il vous plaît. N'amenez pas les Adidas. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Faites cet exercice-là avec des sandales qui sont faites à base de peau d'arbre. Pas de peau de bête, hein, c'est interdit. Ne portez jamais des ceintures qui sont faites à base de peau de bête. Vous contribuez à la destruction, à la mort de notre frère du règne animal. Donc, mes pieds sont nus parce qu'il faudrait créer les conditions d'entrée de l'énergie de la mer. Parce que vous avez besoin de ça. Bien. La mer, n'oubliez pas, elle vous nourrit. La mer vous donne les richesses. La mer, c'est elle qui fait tout pour vous. Et il faut être reconnaissant. Mais lorsque vous mourrez, c'est la même mer qui va vous recevoir. Mais elle va vous recevoir tout nu. Parce que vous n'allez pas amener les richesses là. D'accord? Donc, l'équilibre de la mer. La mer est ici et le Père est en haut. Je répète que le Père, c'est l'ensemble de tout ce qui constitue le monde invisible au-delà et au-dessus de l'homme. Les génies planétaires, les dieux planétaires, les ancêtres, hein, tout ce monde-là constitue le Père. Mais on l'appelle le Père céleste. Maintenant, vous qui êtes religieux, si vous êtes chrétien ou musulman, vous direz que le Père céleste en question, donc c'est Dieu. Donc, vous avez tout compris. Maintenant, je veux faire l'exercice. Le positionnement de votre corps, je ne vais pas me mettre nu devant vous, mais je devais vous montrer l'état de mon dos et de mon ventre. Tout est complètement droit. Donc, rassurez-vous que votre colonne vertébrale n'est pas penchée, n'est pas comme si, mais il est bien droit. D'accord? Vous êtes bien droit. Généralement, vous devez vous mettre face à l'arbre. Donc, vous êtes face à l'arbre, à 1 mètre de distance de l'arbre, pour un meilleur bénéfice. 1 mètre de distance de l'arbre. D'accord? Voilà. Mais je me mets en face de vous pour une meilleure démonstration. Bien. Donc, vous êtes en face de l'arbre. Maintenant, quel est le moyen par lequel vous allez recevoir l'énergie de la mer? Et cette énergie de la mer que vous allez recevoir, vous allez la ressentir, je vous en prie. Je pratique ceci depuis 1982. Et une fois vous ressentez, vous devez remplir votre corps de cette énergie et vous devez contrôler votre respiration. Donc, quand vous recevez, vous inspirez lentement, doucement, sans forcer. D'accord? Maintenant, une fois que vous avez reçu l'énergie de la mer, vous devez maintenant faire en sorte que cette énergie de la mer qui est rentrée en vous puisse prendre les maladies, puisse prendre les tensions, puisse prendre le stress, puisse prendre toute l'énergie négative. Donc, en langage mystique, on appelle ça l'énergie de la mer rentre en moi pour pouvoir récupérer et chasser hors de moi l'énergie négative, l'énergie de la mort, de la maladie, de la pauvreté et du manque. Parce que vous voulez recevoir l'énergie de la mer de manière naturelle par la technique de la respiration. Et ce sera la même chose quand vous allez donc dégager tout. C'est-à-dire que vous avez reçu l'énergie de la mer. Mais l'énergie de la mer vient comme un produit lourd qui, comme de l'eau, et l'eau est en train de chasser toutes les impuretés qui étaient en dessous, et ces impuretés montent et sortent pour que l'eau remplisse tout, finalement tout le bocal. Et c'est la même chose du Père également. Vous allez demander que le Père vous remplisse de son énergie électromagnétique, parce que c'est de ça dont il s'agit. Mais cette énergie électromagnétique, c'est l'ensemble de tout ce qui est bien, tout ce qui est beau, tout ce qui est juste, tout ce qui est puissance, tout ce qui est bonheur, tout ce qui est paix, tout ce qui est amour, tout ce qui est joie. Oh là là, mais je vais bondir. Tout cela rentre en vous. Et les chrétiens appellent ça la manifestation du Saint-Esprit. Nous irons. Alors, on y va. N'oubliez pas que ma colonne vertébrale est droite. Et quand on inspire par les narines. Et il s'agit de la respiration animale, comme je vous l'ai toujours enseigné. La respiration animale consiste donc pour vous de vous remplir l'air dans le ventre. Je commence. Mais avant de commencer, je parle déjà mentalement. Donc mentalement, je suis en train de dire quelque chose, mais je vais expliquer tout à la fin. Maintenant, je vais passer au discours de ce que je venais de faire, parce qu'il faut comprendre ce que je tente de faire. Voilà ce que je tente de dire. Mère, je suis ton fils. Je suis ton fils. Maintenant, si vous êtes femme, vous dites, mère, je suis ta fille, Matsanga Odile. Donne-moi ton énergie électromagnétique, l'ensemble de tout ce que tu détiens. Remplis-moi de ton énergie électromagnétique. Merci. Je la reçois par cette inspiration. Oh, merci. Et vous bloquez. Et vous parlez mentalement. Hein? Vous avez bloqué la respiration, mais vous parlez mentalement. Mère, merci de m'avoir donné. Merci. Je sens une nouvelle vie en moi. Oh, mère, merci. Merci. Et après, vous lâchez cette fois-ci. Donc, ça veut dire, vous expirez. Et quand vous expirez, vous dites quoi? Oh, l'énergie de la mer. L'énergie électromagnétique a purifié mes viscères. L'énergie électromagnétique de la mer m'a nettoyé. L'énergie électromagnétique de la maman m'a nettoyé. J'ai reçu l'énergie de maman. J'ai reçu les forces de maman. Maman m'a donné tout. Oh, l'énergie tellurique, l'énergie magnétique, l'énergie de la santé, les malheurs, tout est sorti, les malheurs, l'énergie négative. Et vous bloquez, ça veut dire que vous avez chassé tout. Père, je suis ton fils, je suis ta fille Matsanga Odile. Et vous parlez toujours mentalement pendant que votre respiration est bloquée. Père, tout comme la mère vient de me donner l'énergie positive, tout comme la mère vient de me purifier mon corps physique, comme la mère vient de purifier de tout, Père, donne-moi ton tout, ton énergie électromagnétique, ô Père céleste, toi qui es la source de tout, un Père qui est aimant, je suis ton fils. Un enfant ne vient pas au monde sans la présence d'un père et d'une mère. Je suis votre enfant. J'ai besoin de ton énergie également, papa, tout comme maman me l'a donné. Et pendant ce temps, vous inspirez. Inspirez veut dire vous recevez cette énergie. Après, vous bloquez. Oh, papa, merci. Je me sens très bien. Oh, je suis ton fils. Je suis ta fille. Merci de me remplir de ton énergie céleste. Merci de me remplir de cette énergie céleste. Mais dans votre tête, quand vous dites énergie céleste, vous pensez aux énergies positives. Vous pensez au bonheur. Vous pensez à la santé. Vous pensez à la puissance. Vous pensez à la prospérité. Tout ce qui est bon ou bien juste. Après, vous dites, papa, merci. Papa, tu m'as nettoyé. Papa, nettoie-moi. Ah, enlève les blocages qui sont à moi. Vous expirez. L'énergie du Père est rentrée en moi. Et cette énergie du Père chasse toutes les énergies négatives. L'énergie du Père chasse toutes les énergies négatives. Chasse la maladie, chasse les malheurs, chasse les malchances, chasse les démons, tout ce qui était à moi. Merci, papa. Maman, je suis votre enfant. Papa vient de me nettoyer. C'est à ton tour de me nettoyer. Parce que, maman, lorsque je quitterai cette terre, mais c'est toi qui vas me recevoir dans ton ventre, non? Tu me recevras nu. Nu, je suis sorti du ventre de ma mère. Matsanga Marie-Madeleine, et nu, je retournerai dans le ventre de maman. Tout comme je suis sorti nu du ventre de Matsanga Marie-Madeleine en 1963, nu, je retournerai également. Et je rentrerai dans le ventre dans ton ventre, maman. Voilà pourquoi je vais bénéficier de ton énergie pendant que je suis encore ici. Mère, papa m'a nettoyé. C'est à ton tour de me donner maintenant. Merci, maman, merci de me donner la santé. Merci de me donner le bonheur. Merci de nettoyer mes poumons, de nettoyer mon cœur, de nettoyer tout ce qui est négatif. Oh, merci. Vous bloquez. Oh là là, je sens l'énergie de maman qui est rentrée. L'énergie de maman est remplie à moi. Toute énergie négative, oh, faut sortir. Merci maman. Voilà l'énergie électromagnétique de maman qui chasse toutes les énergies négatives, qui chasse les malheurs, qui chasse les malchances, qui chasse la pauvreté, qui chasse tout ce qui est négatif, puisqu'il s'agit d'énergie. Mais moi, je développe, parce que l'énergie, en réalité, c'est le flot de tout ce qui est bon, juste, beau, paix, puissance, prospérité. Donc, mettez-vous dans la tête qu'à chaque fois que vous parlez de l'énergie électromagnétique de maman, c'est ça. Papa, j'ai tout reçu de maman. C'est à ton tour de me donner encore. Je suis ce fils qui a un père et une mère. Tout comme un enfant, moi mon père s'appelle Adou Marayonou bien, Apoutoutou, qui est du côté des possibilités. Et ma mère, Nsabung Marie-Claire, c'est elle qui m'a reçu dans son ventre. Nu, je suis sorti du ventre de cette femme-là. Et papa, nu, je retournerai vers toi aussi. Parce que je transite, c'est un cycle de la mère vers le père. Oui, ce corps matériel va aller vers le père, vers la mère. Mais mon corps spirituel viendra vers toi. Voilà pourquoi j'ai besoin de toi, papa. Donne-moi ton énergie. Merci, papa. Merci de m'avoir rempli de ton énergie. Merci de m'avoir rempli de ton esprit. Merci de m'avoir donné cette énergie céleste, papa. Merci. Maintenant, enlève ces énergies négatives qui sont à moi. Enlève ces scories, enlève tout, complètement. Et je suis quelqu'un de nouveau. Oh, je suis quelqu'un de nouveau. Et je vais conclure en faisant la respiration. Et là, je suis en train de parler mentalement. Ça, c'est la première phase. Maintenant, nous allons passer à la deuxième phase. La deuxième phase, c'est une phase qui va vous permettre maintenant d'harmoniser les deux énergies. Donc, là, vous avez fait le discours interne. Vous avez fait votre discours interne pour vous remplir des énergies terrestres et de l'énergie céleste. D'accord ? Maintenant, il s'agit maintenant du mouvement. Le mouvement suivant va maintenant consister pour vous d'harmoniser les deux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas créer la confusion. Donc, je prends l'énergie de la mer en partant d'ici. Je vais en haut, l'énergie de la mer est à moi, je suis content. Et je décharge. Et je monte vers le Père pour récupérer l'énergie du Père. Et je décharge l'énergie du Père. Et je récupère la mer. Bien. Ça, c'est la première partie. Je crois, nous aurons au moins peut-être 5 parties hein, sur ce chapitre de comment être en harmonie avec les trois règnes. Donc la première partie aujourd'hui de la connexion avec les trois règnes, il s'agit de vous, le règne humain, le règne divin, c'est-à-dire le Père Céleste, et le règne végétal, l'arbre qui vit. Voilà le règne végétal. Donc, la première partie donc consiste pour vous de reconnaître d'abord la Trinité. En tant qu'initié, vous devez comprendre que la Trinité en question, il ne s'agit pas de Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est des choses qui ont été trafiquées. La Trinité, pour un initié, Dieu le Père, céleste, l'âme universelle, l'esprit fondamental, origine de tout. Vous a créé à votre image, faisant de vous sa ressemblance, donc sa divinité exprimée. Et ensuite, si vous voulez, Dieu la mer. Donc la mer, et cette mer, c'est la mer nature, le grand temple. Vous voyez les arbres aussi. Je vous ai montré, je ne vous cache pas, c'est ici où je fais mes rites. Enfin, c'est l'un des endroits. Mais là, c'est dans la ville ici. Hein. Mais lorsque je vais loin, là où j'étais la dernière fois à communiquer avec la tortue, ça c'est la plus grande forêt. Là-bas, vous n'aurez pas de bruit, des choses comme ça. Donc, là, la mère nature, c'est ça. La mère nature sont les arbres. La mère nature, c'est la terre. La mère nature, c'est toute forme d'énergie qui sort de la terre. L'or que vous portez, les diamants que vous portez, tout cela sort de la maman. Mais savez-vous que même si vous ne portez pas de l'or, même si vous ne faites pas les techniques de réception et de transmission de l'énergie tellurique dont je vous parle dans les enseignements de M. Pierre Manouri où j'ai bénéficié, c'est-à-dire les méthodes que les Blancs utilisent, tout nu, vous vous mettez là, en forme de croix, la tête à un endroit donné d'un point coordinat, en tenant des fers entre vos mains. Mais je vous dis, vous allez être secoué. Hein. Et vous faites ce rite-là pendant 90 jours. Au sortir de là, je vous dis, tout va bouger! Même un président de la République, il aura peur de vous en vous voyant passer. Vous avez dégagé un feu terrible. Ce rite à lui seul, il est capable de vous donner tout ce que vous désirez. Ça s'appelle le rite de remplissage par l'énergie tellurique. Donc, je vous ai simplifié tout. Ceci, c'est pour votre santé. Mais apprenez à parler. Apprenez à parler. Apprenez à bien parler hein, quand vous faites la respiration. Donc, inspiration. Avant d'inspirer, vous parlez. Je suis Zouemiko. Zouemiko. Je veux recevoir l'énergie de ta part, maman. Parce que tu es la mère nature. Étant donné que tu es la mère nature, je sais que ton énergie électromagnétique renferme toutes les autres énergies. Renferme l'énergie tellurique. Renferme l'énergie cosmique. Renferme l'énergie des ors, des végétaux, des minéraux, des humains, de tout. Et même les génies. Parce qu'il y a les génies qu'on appelle les gnomes, les gnomes. Quand je suis arrivé ici, on me disait qu'il y a près de 100 ans, il y avait plein de gnomes ici, là. C'est-à-dire les petites créatures très courtes, là, qu'on appelle les massiques chez nous. Donc, tout cela vient de la terre. Donc, moi, Nzuemiko, maman, j'ai besoin de ton énergie. Alors, vous inspirez. Merci, maman, de me donner ton énergie électromagnétique. Ne compliquez pas tout. Dites seulement énergie électromagnétique. Maintenant, quand vous allez rentrer dans les grandes initiations, ce qu'on appelle énergie électromagnétique, c'est un ensemble de plusieurs énergies. Je vous ai expliqué cela dans l'étude des ondes électromagnétiques qui partent des ondes hertziennes et tout, les alpha, bêta, et jusqu'aux ondes célestes, cosmiques, oméga, choses comme ça. Donc, dites simplement, mère, donne-moi ton énergie électromagnétique. Alors, vous visualisez donc l'énergie qui monte. Je ne veux pas vous recommander la couleur. Vous pouvez visualiser cette énergie en couleur rouge ou en couleur blanche, ça n'engage que vous. D'accord ? Vous visualisez donc cette énergie qui monte, et vous bloquez. Et quand vous bloquez, vous dites, je suis rempli maintenant de cette énergie, maman. Merci. Oh, merci. Et maintenant, vous exprimez les bénéfices que cette énergie vous a apportés. Voilà l'énergie de maman. Chasse les maladies, chasse les malchances, chasse tout ce qui est négatif. Je me vide de tout ce qui est négatif parce que je suis rempli de l'énergie terrestre, de l'énergie de la maman. Après, vous avez tout déchargé. Papa, merci, oh, je suis ton enfant. Papa, donne-moi ton énergie céleste. J'ai besoin de ton énergie céleste. Tout comme maman m'a nettoyé de son énergie électromagnétique, tu me donnes également ton énergie céleste électromagnétique. Donc, vous recevez maintenant l'énergie de papa. Vous recevez, vous recevez, vous recevez, vous recevez, vous recevez. Vous visualisez. Vous visualisez comme je vous ai montré la dernière fois. Une lumière. Comment on appelle ça? Voilà. Une forme de lumière électrique. Oui, oui. Une lumière électrique qui descend dans votre crâne. Vous pouvez visualiser ça comme ça. Une lumière puissante électrique qui descend par votre crâne et qui rentre dans votre corps. Vous visualisez votre corps en grande lumière blanche électrique. Et puis, boum! Et cette énergie électrique blanche va maintenant chasser les maladies que vous pouvez symboliser par la couleur rouge. Maintenant, vous voyez le blanc qui chasse le rouge. Le blanc chasse le rouge. Le blanc chasse le rouge. Le rouge sort complètement sous la plante de vos pieds. Et vous faites l'inverse maintenant. Maman, voilà, j'ai chassé tout. Oh, papa m'a donné. C'est à ton tour de me remplir maintenant, maman. Maman, donne-moi ton énergie électromagnétique. L'énergie électromagnétique de maman, vous pouvez visualiser ça également pareil, en couleur blanche. Et cette énergie blanche qui monte. Cette énergie blanche qui monte. L'énergie blanche est en train de chasser et quelque chose de rouge. Mais ce quelque chose de rouge, ce sont vos terrestrités, vos passions, le sexe, la bouffe, la gourmandise, l'argent et toutes ces conneries. Donc, le rouge symbolise l'énergie négative. Et vous vous remplissez donc l'énergie électromagnétique de maman, qui est une énergie blanche, laquelle chasse toute l'énergie négative symbolisée par la couleur rouge. Je crois que là, je vous ai bien aidé hein, par cette inspiration. Que la couleur rouge symbolise l'énergie négative. Et la couleur blanche symbolise l'énergie positive. Voilà, en résumé, la première partie de la relation père-mère. C'est une relation qui vous permet, vous, de vibrer en harmonie et en bonne santé. Le bénéfice de cet exercice, vous serez toujours en bonne santé. Rarement vous tomberez malade. Et je vous ai dit en prélude, hein, sur Facebook, je vous ai dit que quand vous êtes malade, vous faites quoi? Vous embrassez l'arbre. Moi, je ne suis pas tombé malade, je vous dis. La seule fois où je suis tombé malade, maman me dira que c'est peut-être quand j'étais bébé. Hein. Mais depuis l'âge de la conscience, donc quand j'avais 5 ans, jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas la maladie. Je ne fais que vous le répéter. Est-ce que peut-être parce que je ne sais pas trop? Mais non. Toutes ces connaissances en ont une raison. Là, je viens de la garde. J'ai travaillé 12 heures de temps. Je n'ai pas dormi. Et dès que j'ai fini là, et dès que j'ai fini plus tôt, je suis allé où? Je suis allé au sport. J'ai fait mon yoga. J'ai fait mes kata et tout. Et là, j'ai mon arme. Je ne vais pas exhiber ça. Mais j'irai au ranch. Je vais shooter un peu. Shooter au moins pendant une heure. Et après ça, je mange. Et je vais me reposer. Je ne dors pas, moi. Je ne dors pas. Je me repose. Et après mon repos de 1h30, dès 14h, heure des États-Unis, soit quelle heure là-bas? 19h, je vais maintenant à mon boulot, à la fonction publique. Voilà comment on fonctionne. Peut-être tout cela fait en sorte que je ne tombe pas malade. Mais vous, qui êtes victime de maladies, là, de cycles mensuels qui vous perturbent, je parle à nos mamans là. Ou vous, les hommes là qui avaient des problèmes. Voilà ce que vous devez faire. Et là encore, il faut parler. Arbre. Arbre, toi, tu fais partie du règne végétal. Tu as été créé par Teta Mwanga. Tu as été créé par Dieu. Avant toute espèce. Après toi, il y a eu la création des oiseaux. Après toi, il y a eu la création des animaux. Après toi, après les animaux, maintenant, il y a eu moi, le dernier. Donc, les animaux profitent de toi. Les oiseaux profitent de toi. Même les poissons profitent de toi. Matter of fact, pour votre information, apprenez désormais à vivre comme un arbre. Je m'explique. Vivre comme un arbre, ça veut dire quoi? Il y a un temps pour tout. Un temps pour s'éclater. Et un temps pour rire et un temps d'arrêter tout. Un temps pour réfléchir. Apprenez à être comme l'arbre. Je vais rapprocher la caméra. Regardez cet arbre. Vous ne le verrez pas bouger. Sauf quand il était bébé. Mais le phénomène, c'est quoi? C'est seulement son feuillage. Regardez. Regardez. Ça bouge. Parce qu'il y a le vent. Regardez. Ça bouge. Mais quand vous regardez à la base, il ne bouge pas. Il ne bouge pas du tout. L'arbre ne bouge pas. L'arbre reste fixe. Mais savez-vous que l'arbre est le seul au monde à détenir des milliards de molécules, des milliards d'énergie cajoule. Je ne sais pas quel mot il faut expliquer. L'arbre que vous voyez. Pourquoi? Parce que l'arbre ne bouge pas. Apprenez à être comme l'arbre. L'arbre est mobile. Regardez. Les feuilles bougent en haut. Les feuilles bougent en haut, pas avant. Mais le tronc ne bouge pas. Apprenez à être comme l'arbre. L'arbre est fixe. Voilà pourquoi il vous est recommandé. Voilà pourquoi il vous est recommandé de vous remplir l'énergie de l'arbre. Parce que l'arbre ne dépense pas l'énergie comme vous. Vous vous dépensez toutes les énergies. Vous vous réveillez le matin. Non, il faut que j'aille chez Gilbert. Il faut que j'aille chez Bernadette. Il faut que j'aille chez ceci. Prenez le téléphone. L'esprit agité. Le bangala est debout. Ceci, les envies. Vous n'êtes plus un arbre et vous mourrez vite. Voilà pourquoi l'homme meurt vite. Mais quand vous allez apprendre à être comme l'arbre, vous vivrez longtemps. L'arbre nous donne tout. L'arbre, parmi tant d'autres arbres, c'est le grand temple de Dieu. C'est là-bas dans la forêt qu'on trouve la vie. Vous verrez même les blancs. Aujourd'hui, ils vont prendre nos terres en Afrique. Ils sont en train de se précipiter parce qu'ici, il n'y en a pas. Tout ce que je vous montre là, ça a été planté. Ça a été conservé, quelques-uns. Dans la grande forêt de l'Ohio, là où je suis la dernière fois allé parler avec la tortue, ces arbres-là n'ont pas été détruits parce qu'ils ont compris les Amérindiens. Ils ont dit, niet, pardon, tuez-nous, mais pas ces arbres. Mais aujourd'hui, ils sont contents maintenant. Et je vous signale que les arbres contribuent à la végétation de la vie. Contribue à l'oxygénation. Sans l'arbre, il n'y a pas la vie. Oui, je vous dis, vous allez vivre dans un désert, vous allez mourir. Mais l'arbre ne bouge pas. Essayez de vivre comme l'arbre. Qu'est-ce que je veux dire? Oh, t'es à moi. Vivre comme un arbre et ne pas bouger veut dire, dans la journée, le matin quand vous vous réveillez, rentrer à l'intérieur de vous-même et rentrer enfin en communion avec l'autre. Contrôlez vos émotions, contrôlez vos pensées, faites la rétrospective de tout ce que vous avez fait. Même si votre vie est une routine, rassurez-vous que cette routine est là pour vous permettre votre élévation à vous. Vivre comme un arbre veut dire éviter d'être agité. Vivre comme un arbre veut dire ne brûlez pas vos énergies. Regardez vous-même l'arbre. Il est là. C'est autour de l'arbre que les gens viennent faire des fétiches. Je ne vous ai pas montré, il y a des gens qui ont fait des fétiches ici. Là. Mais pas pour le mal, hein, puisque je viens ici tout le temps. J'ai demandé à certaines personnes de venir casser des bouteilles. J'ai demandé à certaines personnes de venir casser certaines choses ici, en prononçant le nom de leurs ennemis. Ça, c'est des techniques que j'ai apprises ici là, auprès des Américains. Voyez-vous? Mais l'arbre a tout encaissé. Vous voyez, l'arbre reçoit les malédictions. Et il renvoie ces malédictions en bénédiction auprès de vous qui avez eu les malédictions. L'arbre vous donne la vie. L'écorce de l'arbre, on fabrique des comprimés que vous buvez. L'écorce de l'arbre nous amène beaucoup de choses. Vous amène la lumière. Nous amène le charbon qui permet les trains de fonctionner. Sans l'arbre, il n'y a pas la vie. Donc, voici l'exercice. Vous embrassez simplement l'arbre et vous dites ceci. Arbre, toi qui fais partie des cinq règnes, je suis le règne humain. Je suis limité. Je suis trop stressé. Quand je me réveille le matin, je dois penser à la famille. Je dois courir avec les enfants à l'école. Je dois faire ceci. Je dois aller me faire engueuler par le patron. Je dois faire des comptes. Je dois régler les comptes bancaires et de créer des crédits, des crédits que les gens vont m'acheter. Donc, vous êtes trop précipité. Mais toi, l'arbre, tu es là, tu ne bouges pas. Alors, je viens vers toi pour que tu puisses me donner une partie de tes forces. Parce que toi, la tradition nous a toujours enseigné que c'est auprès de toi que les gens viennent puiser la force. C'est auprès de toi que les gens viennent puiser les énergies. Alors, je me sens fatigué. Je suis épuisé, je suis trop stressé, j'ai trop de problèmes. Même au travail, ça ne va pas. Je viens me décharger auprès de toi, mon frère. Tu as été créé avant moi par Teta Mwanga. Teta Mwanga t'a donné la force de donner la vie. Merci. Merci. Vous avez d'abord respiré. Vous voyez, mon cœur bat à une vitesse bizarre là, parce que j'ai un contact avec lui. Il a reçu ma demande. Et je sens mon corps qui vibre. Je ne raconte pas n'importe quoi. Parce que l'énergie de l'arbre est en train de rentrer à travers mon corps et mon cœur et vibre à l'unisson. L'arbre m'a nettoyé. Merci beaucoup. Et vous embrassez l'arbre pendant au moins une minute. Au besoin, vous partez d'un arbre à un autre. Vous n'allez recevoir aucune malédiction, même si les gens sont venus verser leur malédiction ici. L'arbre, je vous dis, c'est le grand guérisseur universel par l'excellence. J'en ai terminé. Donc voilà ce que j'avais à vous dire et à partager avec vous ce matin. Et que Dieu Mwanga nous bénisse pour la suite. Je ne vous promets pas que ce sera demain, parce que demain j'ai des rendez-vous très urgents là, toujours dans le cadre de mes activités. Mais ce week-end, je serai de repos. Donc samedi, je vous ferai une surprise. Hein? Samedi, on aura un autre enseignement. Donc aujourd'hui, nous avons fait cet enseignement en live, dans la forêt. La relation père-mère, quel bénéfice? Le bénéfice de la relation père-mère, qu'est-ce que ça peut vous amener? Révisez, réécoutez cette vidéo. Maintenant, je dis, la pratique va être compliquée. Si vous constatez que c'est compliqué, surtout les techniques de respiration, ne forcez pas. Au cours des séminaires, je vais expliquer tout ça dans les détails. Lorsque je vais vous toucher, vous verrez comment je respire et ainsi de suite. Donc, bon, il y a eu personne qui m'a perturbé. Je peux remettre tranquillement mon arme. Que Teta Mwanga vous bénisse donc. Merci beaucoup. Et d'ici là, portez-vous bien. Ça m'a fait un plaisir de vous avoir. Comme d'habitude. Mais mon Dieu, je me sens trop content. L'arbre là, toi, tu es très gentil. Merci. Ah, mon Dieu. On dirait que j'ai retrouvé 18 ans. Alors là, je sens les énergies qui débordent. Que Teta Mwanga vous bénisse. Merci encore. Bonne journée à vous. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.